Chapitre 3e. Maxime Haniel quitte sa ferme sur la route de Salon. Aujourd'hui, il n'a vraiment pas envie de travailler. Il fait un temps magnifique et il veut profiter de la douceur et du parfum de l'air, de la luminosité du ciel, d'un bleu éclatant. Il sent dans ses veines une espèce d'impatience, à des fourmillements. Peut-être le printemps qui le travaille lui aussi. Il veut profiter du cadeau que lui fait la vie ce matin. Pourtant, la vie n'a pas l'habitude de lui en faire des cadeaux. La mort de son père, après des années de souffrance dues aux séquelles de ses blessures de guerre, l'a énormément marqué. Il a l'impression d'avoir été le seul à le pleurer vraiment. Il était révolté contre les politiques qui prenaient les hommes et les rendaient cassés à leurs familles sans se demander comment ces familles allaient faire pour survivre. Entre sa mère et son frère cadet, il vit une existence d'une monotonie affligeante. Le soir n'apporte jamais la bouffée d'espoir qui fait les lendemains faciles. Travailler, manger, dormir et ne rien attendre d'autre. À la longue, ça use. Pourtant, Maxime est assez bien de sa personne. Ses grands yeux, si noirs qu'on n'en voit pas la pupille, lui donnent un regard profond et mystérieux. Ses cheveux bruns et longs sont coiffés en arrière, mais Maxime est souvent obligé de les relever d'un brusque coup de tête. Il a tout juste 30 ans. Et peut encore fonder un foyer, mais jusqu'ici, aucune opportunité ne s'est présentée et désormais, il ne cherche même plus une compagne. On ne saurait dire si c'est la ferme qui a façonné le caractère de ses occupants, ou si ce sont les différentes générations qui se sont bâties un cadre à l'image de leur dureté. Un seul corps de bâtiment, flanqué d'une grange, de petites fenêtres aux mauvaises proportions, seul luxe, deux beaux mûriers platanes qui donnent de l'ombre au sud devant la maison. À la ferme, chacun sa tâche et son espace de vie bien défini. Cela donne 3 existences, non pas communes, mais parallèles. Ici, tout est rude. Les bâtiments, la terre, les hommes. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi on existe, ni si l'on est heureux. L'homme est sur terre pour travailler et il travaille pour ne pas mourir de faim. C'est simple, triste et inéluctable. Il faut perpétuer les gestes des ancêtres sans réfléchir. Depuis le temps, les membres de la famille de Maxime se sont tout dit ou presque, et les échanges se bornent au strict processus de vie et de travail. Pourtant, même si Maxime n'a plus d'espoir que ça change un jour, il garde au fond de lui une capacité à l'espérance qui pourrait porter ses fruits avec un petit coup de pouce du destin. Aujourd'hui, il a donc résolu de s'autoriser une petite balade, histoire de cueillir du thym et du romarin, et qui sait, peut-être quelques fleurs qu'il mettra dans sa chambre, ce qui fera encore ricaner son frère Marcel. Il traverse le village en passant par la porte de Salon, la rue Porte du Chevalier et la place Jean Jaurès, qui ressemble à un décor d'opéra. La radio du café égrène une chanson de Georgius. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction au lycée Papa, au lycée Papy, au lycée Papillon. Juju, le patron, cloue une nouvelle réclame émaillée sur ses volets. Saint-Raphaël, entre la Suze, Bire et la mère Picon. Tout un programme pour s'alcooliser. C'est chouette la vie des fois. Maxime passe derrière la mairie, place du Parage, et s'engage en direction de Rogne pour monter dans la colline. Arrivé sur les lieux, il respire un grand coup et se laisse griser par le léger mistral qui porte les senteurs enivrantes des genêts et du thym. Armé de son canif, il s'affaire maintenant à couper les durs sarments, le nez dans la garrigue. Tout à coup, 2 sandalettes apparaissent sans bruit dans son champ de vision à côté d'une touffe de thym. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande une voix claire. Le regard de Maxime remonte et là, une brusque bouffée de bonheur le submerge. Il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il ne pensait pas qu'une telle perfection était possible. Sans répondre, ses yeux détaillent le visage de la fillette. Ses cheveux blonds, presque gris, sont coiffés en chignon. Ses yeux violets transpercent littéralement ceux de Maxime. Un duvet blanc, très ténu par ses joues, ses bras et ses jambes. Sur ses lèvres pulpeuses, un léger sourire, les oies des dents si blanches qu'elles en sont presque nacrées. « Alors dis-moi, réponds. » Maxime s'assoit par terre, joint ses mains sur ses lèvres et contemple encore la fillette. Un sourire béat illumine son visage. « Tu es muet ?» dit la fillette en mimant devant sa bouche une paire de ciseaux. « Ou alors tu es fada ?» Maxime éclate de rire. Comme c'est bon de rire sous le soleil. Il a l'impression que ses poumons ont doublé de capacité. « Oui, je suis fada, » murmure-t-il. « Fada parce que je t'ai vu. » et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Il contemple la fillette et une douce chaleur envahit tout son corps, jusqu'aux extrémités. « Je suis bizarre, c'est ça ? » dit-elle en fronçant les sourcils, ce qui la rend encore plus exceptionnelle. « Non, tu n'es pas bizarre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli que toi. Je suis tellement content. Tu dis n'importe quoi. Allez, réponds-moi au lieu de faire le ravi. » La gamine s'impatiente et tape du pied. « Oh, dis-moi, tu es très jolie, mais tu as aussi mauvais caractère. Comment tu t'appelles ?»« Camille. Camille Bréau. » Maxime lui explique alors à quoi il destine le thym et le romarin. Il n'a jamais éprouvé autant de plaisir à parler à quelqu'un. Ses mots s'échappent en sonnant clair, même sa voix s'est transformée. Camille lui donne à son tour quelques recettes avec des herbes aromatiques, car elle fait quelquefois la cuisine. Elle lui parle de son école, de ses bons résultats, de ses punitions pour bavardage. En retour, Maxime aux anges lui dit son cafard, lui parle de son travail, de ses goûts culinaires. Tout cela, bien sûr, en ne quittant pas des yeux la fillette et en se délectant de tant de beauté et de perfection. « Tu viens souvent par ici ? » dit-elle. « Rarement. Tu sais, mes champs sont plutôt de l'autre côté du village, en allant vers Salon. » Maxime se lève et lui montre de la main la plaine qui s'étend à leurs pieds. Il constate que Camille est d'une taille qui dépasse la moyenne de son âge. « C'est dommage, » lui dit-elle. « J'aime bien parler avec toi, Maxime. Toi au moins, tu m'écoutes. Je serai capable de t'écouter toute la journée et tous les jours, si tu veux. » Tous les jours, ce n'est pas possible. Mais le jeudi après-midi, on me laisse tranquille et je pourrai venir parler avec toi. Surtout ne dis à personne que tu me connais. Ce sera un secret entre toi et moi. » Puis ils font quelques pas ensemble sans parler. De temps en temps, ils se tournent l'un vers l'autre et éclatent de rire. Maxime doit remonter à sa tendre enfance pour retrouver la même insouciance, le même plaisir et la même complicité. Ils cueillent ensemble quelques fleurs, font un gros bouquet de genêts et Maxime donne à Camille quelques indications sur les plantes bonnes à cueillir.